يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى: نؤمن بأن الله تعالى يغضب أو يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il poursuit en évoquant les choses qui sont primordiales à tout croyant de connaître et d'avoir la ferme conviction. Il dit: et on se doit de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre les créatures qui méritent sa colère. Parmi les mécréants et autres. Ensuite, il a cité deux versets où Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il se met en colère. Contre les mécréants, ceux qui pensent de lui du mal. نعم. فالغضب صفة ثابتة لله عز وجل ولا نكيفها ولا نشبهها بصفة المخلوق. Donc l'attribut de la colère est un attribut que l'on affirme à Allah عز وجل sans toutefois le comparer à l'attribut des créatures, c'est-à-dire le fait que les créatures peuvent se mettre en colère. Nous ne comparons pas la colère d'Allah avec la colère de ses créatures. قال ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال ونؤمن بأن الله أو بأن لله تعالى وجها موصوفا Biljalal wal ikram. Et nous avons aussi la ferme croyance qu'Allah Azza wa Jal possède un visage qualifié de majestueux et de généreux. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède un visage qualifié de majestueux et de généreux. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et le verset qui indique cela n'est autre que le verset de sourate Ar-Rahman où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il ne restera, selon une traduction approximative, et il ne restera plus que la face, le visage de ton Seigneur, le détenteur de la majesté et mada de l'honorabilité, d'ul jalali wal ikram. Naam. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi ta'ala yadayni karimatayni 'azimatayn. Et nous croyons aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains généreuses et immenses. Il a deux mains généreuses et immenses. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Comme il le dit lui-même, certes, ses deux mains sont largement ouvertes et il dépense comme il veut. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous dit ماذا? Que les mécréants ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Viendra le jour du jugement où il rassemblera la terre tout entière dans sa poignée, ainsi que les cieux dans sa main droite, ainsi qu'il pliera les cieux dans sa main droite. Non. Mohamed, je me pose une question à Mohamed. Aïn Allah? Allah, il se trouve au ciel. Ahsant. Ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Est-ce que tu sais ça? Allah, il a deux mains. Est-ce qu'il a une main droite et une main gauche? Oui. Naam? T'es sûr de toi? Ahsant. Ahsant. Les deux mains d'Allah Azza wa Jal. Hein, Sofiane? Sofiane, il a. Yani, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main droite et une main gauche? Deux mains droites. Deux mains droites. Naam. Al-Asah ma qila. L'avis le plus juste, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains droites. Pourquoi? Parce que cela est venu dans un hadith authentique où le prophète alayhi salatu wa salam dit Kilta yadayhi yamin. Ses deux mains sont droites. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains droites et il n'a pas deux mains gauches. Et le seul hadith qui est venu où il est évoqué la main gauche est un hadith jugé faible. Est un hadith jugé faible, bien que dans Sahih Muslim. Bien que dans Sahih Muslim, et comme vous le savez, certains des hadiths qui se trouvent dans Al-Bukhari ou dans Muslim, certains des hadiths, qui sont très peu, ont quand même été critiqués par les savants du hadith et jugés comme étant faibles. Mu'al. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, Mada et Mohamed, deux mains gauche et droite ou deux mains droites? Deux mains droites, ahsanta. Qala, wa nu'minu bi anna allaha, ou bi anna lillahi ta'ala, aynayn, itnatayn, haqiqiyatayn, li qawlihi ta'ala, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Et on croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède deux yeux. On croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède deux yeux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon une traduction approximative, et construit le bateau ou l'arche sous nos yeux. Et construit l'arche, c'est-à-dire là il s'adresse à Noé, à Noé, et il lui dit construit l'arche sous nos yeux. Il nous dit, construis l'arche sous nos yeux. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subhata wajhihi man ta'a ilayhi basaruhu min khalqihi. Thumma qala Sheikh al-Uthaymeen wa ajma'a ahlu as-sunnati ala an al-'ayn al-'aynayn ithnatayn aw ithnatan. Là, le dalil qu'on vous a cité est construit l'arche sous nos yeux. Sous nos yeux. Les yeux sont au pluriel. Quel dalil nous indique d'une manière on ne peut plus clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux? Parce que là, ce verset, il dit construit l'arche sous nos yeux. Au pluriel. On ne sait pas. Ça peut se entendre deux. Ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou là. Aqall al-jam' ithnayn. Lakin kayf nahnu naktafi bi hadith ad-dajjal. Aywa, lillahi darruk. Lillahi darruk. Hadith ad-dajjal. Le hadith ad-dajjal, où le prophète alayhi salatu wa salam nous informe des caractéristiques du dajjal. Et il nous dit que le dajjal et borne. Innahu la'awar. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. Il est borne, tandis que votre Seigneur ne l'est pas. Tamam? Tandis que votre Seigneur ne l'est pas. Et cela sous-entend que si Allah subhanahu wa ta'ala avait plus que deux, cela aurait été cité dans ce hadith. Tamam? Non. قال شيخ العثيمين وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Et on croit aussi également qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être atteint par le regard de qui que ce soit parmi ces créatures dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Quand est-ce que l'on pourra voir Allah Azza wa Jal, ou qu'il est possible de voir Allah? Mata Hamza. Quand est-ce qu'il sera possible pour les créatures de voir Allah? Yawm al-Qiyama. Yawm al-Qiyama. Ou fil Jannah. Soit le jour de la résurrection, ou soit fil Jannah. Mais sinon, dans ce bas monde, il est formellement impossible de voir Allah Azza wa Jal. طيب. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et on a la croyance que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفته. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun ego. Nous croyons qu'Allah azza wa jalla n'a aucun ego, et ceci en vue de la perfection de ses attributs. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Allah le dit lui-même qu'il n'y a personne qui lui ressemble, personne qui lui est comparable, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Wa nu'minu bi'annahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et on a la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais pris par la moindre somnolence ou le moindre sommeil. Li kamali hayatihi wa qayyumiyyatihi. Et ceci en vue de sa vie parfaite. Sa vie parfaite. Wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahada li kamali 'adlihi wa bi annahu ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقبته وإحاطته. Et nous avons la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'opprime et n'est injuste avec quiconque. Et ceci en vue de la perfection de sa justice. قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلم. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit à lui-même l'injustice. ولا يظلم ربك احد. Et ton Seigneur n'opprimera aucun être. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Est-ce qu'Allah est capable d'être injuste? Ya Hassin. Est-ce qu'Allah est capable d'être injuste? Hein? Allahu alam. Ya Ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit l'injustice. Ceci en vue de la perfection de sa sagesse et de son équité. Wa illa fa innahu qadirun. Sinon, il est capable. Il est capable. Il est capable sur toute chose. Mais c'est uniquement parce que il est qualifié en même temps comme étant le plus juste des justes. C'est pourquoi il s'est interdit à lui-même l'injustice. فلما تعلم هذا تعلم يقينا ان ما يحصل في الكون لاي احد من المخلوقات فليس عن ظلم من الله عز وجل كما يزعم من لا صبر له عند المصائب من ضعفة القلوب والكفرة. Et lorsqu'on médite sur cela, on doit avoir la certitude alors que peu importe ce qui se passe dans le monde, de bon comme de mauvais, et plus en ce qui concerne les mauvaises choses, en ce qui concerne les malheurs, on doit avoir la certitude que ce qui se passe n'est pas une injustice faite du Seigneur des mondes à sa création. Là, à chaque malheur qui nous touche, on se doit de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à quiconque. Car le fait de penser cela n'est autre que le fait de se conformer ou de suivre la voie des gens dont le cœur est faible. La voie des gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Dès qu'ils sont touchés par un malheur, tu les vois penser du mal d'Allah Azza wa Jal en disant que ceci est une injustice de sa part ou autre. Al-mu'min hasha wa kalla an yatakallama fi rabbihi bimithli dhalik bal yuhsinu dhann bihi ala ad-dawam wa yatawakkal alayhi wa yufawwid amrah ilayhi دائما وابدا عند الرخاء وعند الشده عند الفقر وعند الغنى وعند الجوع والعطش وعند ماذا الشبع والكفاءه طيب قال الشيخ العثيمين ونؤمن بانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. Et aussi nous avons la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être contraint par qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être contraint par qui que ce soit. Et ceci car il a la science la plus parfaite ainsi que la capacité. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Et s'il décide d'une chose, il a juste à dire soit et c'est. Soit et c'est. Et ça nous rajoute encore du yaqin et de la confiance en Allah Azza wa Jal. Dans tout ce qu'on entreprend. Si on l'invoque, on doit savoir que لن يعجزه شيء. Qu'il n'est pas que rien ne peut avoir le dessus sur lui. Que rien ne peut avoir le dessus sur lui. S'il décide d'une chose, il a juste à dire kun fayakun. Soit et c'est. وقال وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب ولا إعياء. Et aussi on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais touché par une quelconque forme de fatigue. Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais touché par une quelconque forme de fatigue ou paresse. Certes, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre les deux, en 6 jours. Taïb, cette information-là, on la retrouve dans le Coran, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les cieux en 6 jours, les cieux et la terre en 6 jours, c'est une information qui est répandue dans les sourates du Coran, ainsi que dans fil Injil. وفي التوراة وفي الزبور وربما في صحف إبراهيم Donc ça doit être une information, c'est une information qui est répandue aussi dans la Torah, ainsi que dans les évangiles et les psaumes de Daoud, de David. Et elle doit être aussi présente dans les feuillets d'Ibrahim, d'Abraham. Maintenant, on la trouve dans les autres livres, en dehors du Coran, avec certains rajouts. Parmi ces rajouts, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en 6 jours et il a pris le Mada, le 7e jour, en guise de repos. En guise de repos. وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُوتٌ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَتَّخِذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais pris par une quelconque somnolence ou une quelconque fatigue. Donc ceci est un mensonge de leur part et fait partie de leur rajout inventé. ولا اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت